tête, toujours cette peur qui me guette. Et encore, ça me fait mal, et je combats le mal par le mal. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. Je turbine au dafalgan codéine, et l'aspirine draine l'adrénaline. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. Alors je me dépêche sans cesse, mes amis à qui je confesse. Ces mélodies qui ne s'arrêtent, c'est mon duel, ma requête. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. Je m'imagine comme une machine, les mélodies sont mes amphétamines. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. Avant que vie ne se termine, c'est une crainte, mon abîme. Elle pourrit ma vie de toxines. Avec tout ça, parfois je déprime. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. C'est ma bobine qui est la victime d'une maxime pire que la scarlatine. Comme si j'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain. J'allais mourir demain, comme si j'allais mourir demain.